franceinter.fr. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, François Truffaut, l'homme qui aimait le cinéma. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par Jean-Benoît Patricot et réalisée par Catherine Lemire. Pour nous raconter François Truffaut, ce cinéaste farouchement indépendant et ne vivant que pour ses films, nous recevrons dans la seconde partie de l'émission Laurent Delmas, grand fan de François Truffaut. Coproducteur et présentateur avec Christine Masson de On aura tout vu, l'émission de cinéma sur France Inter le samedi matin à 10h, Laurent Delmas a fondé et dirigé le magazine Synopsis sur France Inter. Il a été chroniqueur, il a co-animé Cinéfilm. En été, en 2007, pour être très précis, il a produit la série Cinécité, auteur de séries documentaires sur le cinéma européen. Pour Arte, il a également dirigé l'ouvrage Cinéma, la grande histoire du 7e art, pour Larousse, et le Tout Ciné chez l'Archipel en coédition avec France Inter. Il est enfin président de l'Union des journalistes de cinéma. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. En 21 films, François Truffaut s'est forgé une place particulière dans le cinéma français. L'homme et son œuvre sont devenus indissociables. Qui des films ou de la vie a inspiré l'autre? Difficile de répondre. Dans Les 400 coups, l'enfance d'Antoine Douanel, éclairée par la gouaille de Jean-Pierre Léaud, devient celle de François Truffaut. Puis, à travers le prisme de l'aventure romanesque, elle acquiert le statut d'histoire officielle. Né de père inconnu, ignoré par sa mère, Truffaut a grandi sans être regardé. Alors, pour fuir le quotidien grisâtre de la France occupée, il plonge dans l'écran de cinéma ou se réfugie dans la littérature. Obligé de travailler dès l'âge de 14 ans, l'adolescent fiévreux fréquente les ciné-clubs où il apprend à maîtriser son émotivité, ce qui lui permet de donner des avis tranchants et perspicaces sur les films. Une activité que deviendra son métier lorsqu'il entre, grâce à André Bazin, au Cahier du cinéma. Là, il retrouve des jeunes gens comme Chabrol, Godard, Rivette, aussi avides que lui de se lancer dans le cinéma. Les progrès techniques, la diminution du coût d'un film, permet à toute une génération d'apprentis cinéastes de venir bousculer le cinéma français dit de qualité. C'est la nouvelle vague et le début du règne du cinéma d'auteur. Madame le juge, mesdames et messieurs les jurés, François Truffaut, l'homme que vous avez devant vous sur le banc des accusés, ne pouvait pas échapper à son destin. Comme les grands criminels, tout vient de son enfance. Être né de père inconnu dans les années 1930 faisait de vous un paria. Il fut un enfant caché, un enfant nié, mis en nourrice, puis élevé par une grand-mère jusqu'au décès de cette dernière. Il n'est récupéré par sa mère, celle qui a fauté, qu'à l'âge de 10 ans. Puis il est adopté par le mari de sa mère, mais ne devient pas pour autant un fils. Pour elle, il ne sera que le gosse, celui qui doit s'effacer, disparaître, être là, sans exister. Alors, mesdames et messieurs les jurés, comment ne pas sombrer dans la délinquance avec un démarrage dans la vie aussi calamiteux? Mensonges, vol de monnaie, puis vol de machine à écrire, école buissonnière, scolarité de cancre, tout est lié. Être élevé dans ce 9e arrondissement de Paris, du côté de Notre-Dame-de-Lorette, non loin de Pigalle, de ses bars, de ses bandes, et alors que personne ne veut de vous, dans ces conditions, y a-t-il un moyen d'éviter d'entrer dans la grande famille de la pègre? Non, mesdames et messieurs. François Truffaut, mauvais garçon, c'était inéluctable. Vous connaissez la suite, l'engagement volontaire dans l'armée, la désertion, les combines, les escroqueries, celui que dans le milieu on appelle le cavaleur, l'homme qui aime les femmes, multiplie les conquêtes. Grâce à sa remarquable intelligence, il tente des coups de plus en plus osés. Quel autre choix avait-il? Ces milliers de photos de jambes de femmes trouvées dans son appartement, sans doute prises à hauteur d'un soupirail, dénotent un certain sens artistique, mais pervers. Alors oui, l'engrenage de la grande délinquance et pour finir, le fait divers, l'irréparable. Parce que c'était elle, parce que c'était lui, qu'il ne pouvait vivre ni sans elle, ni avec elle, mais c'était écrit, une fatalité imparable, rien n'aurait pu empêcher ce geste. Si, il aurait pu. Voyez-vous, le condamné aujourd'hui... Excusez-moi, il aurait pu. Mais comment osez-vous interrompre ma plaidoirie? Depuis quand un membre du jury interrompt l'avocat de la défense? Je suis désolé, je voulais juste dire... Mais qui êtes-vous donc? Comment vous appelez-vous? Doinel, Antoine Doinel. Eh bien, qu'avez-vous de si intéressant à dire, monsieur Doinel ? Cela aurait pu tourner autrement. Vraiment ? Il aurait pu avoir un bon copain avec qui il aurait fait les 400 coups. Ils auraient été soudés, ils se seraient entraidés. Oui, oui, oui. Le coup du copain. Peut-être parlez-vous de son complice, Lachenay. Et quoi d'autre encore ? Pendant ses fugues, il aurait lu tout Balzac et les textes classiques aussi, dans des collections bon marché. L'éducation par la littérature, ben voyons. Le surdoué timide qu'aucun maître ne remarque. Et autre chose encore ? Oui. Alors c'est quoi cette solution miracle ? Il serait entré dans un cinéma. Un cinéma ? Oui. Et cela lui aurait sauvé la vie. Le cinéma qui sauve. On aura tout entendu. Non, messieurs les policiers, si vous pouviez faire évacuer cet énergumène... Mais non, je vous assure, le cinéma... Oh ! Le cinéma ! Le cinéma ! Monsieur Doinel ? Monsieur Doinel, réveillez-vous ! Hein ? Quoi ? Où suis-je ? À la résidence Delphine Seyrig, votre maison de retraite. Ah ! Oui. Oui, j'ai dû faire un cauchemar. Ne vous mettez pas dans un état pareil. Tout le monde le sait que c'est de faire des films qui a sauvé François Truffaut. Hein, vous le saviez ? Oui, oui, calmez-vous. Respirez. Vous l'avez bien connu, vous, Truffaut ? Oui. Je l'inspirais. On a fait 5 ou 6 films ensemble. Je ne sais plus. J'ai la mémoire qui flanche. Je vous mets d'autres coussins ? Oui, merci. Vous faisiez quoi comme métier dans la vie ? Moi ? Je n'ai jamais vraiment eu de métier. J'ai fait des petits boulots bizarres, des boulots qui ressemblaient plus à des jeux d'enfants qu'à du travail. Comme quoi ? Colorer des fleurs, faire le détective, jouer avec des maquettes. Mais en fait, moi, ce qui m'intéressait dans la vie, c'était... Les femmes ! On a cru comprendre ça avec les collègues. Mais vous viviez de quoi ? Truffaut, qui aimait les chansons, disait « Plus elles sont bêtes, plus elles disent la vérité ». D'ailleurs... Elles ne sont pas bêtes. Tenez, je peux vous résumer ma vie depuis 1979 en un refrain. Travailler, c'est trop dur. Chaque jour, moi, que je vis, qu'on me demande quoi je vis. Je dis que je vis sur l'amour. J'espère de vivre vieux. Mais quand vous étiez jeune, vous n'auriez pas voulu faire des films, vous aussi ? Non. Celui qui devait faire du cinéma, c'est François. Pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup de choix. On pouvait voir soit des films français, souvent bons, soit des nanars de propagande allemande. François, lui, il voyait tout. Et puis, après, il sélectionnait ce qu'il revoyait. Parfois jusqu'à 15 fois. Dans quel but ? Apprendre à faire un film. Il voulait déjà être cinéaste ? Il en rêvait, mais il savait que ce serait impossible. Pourquoi ? À l'époque, on ne confiait les films qu'à des hommes d'expérience ayant plus de 45 ans, alors un gamin. Pensez donc, il pouvait toujours rêver. Ou écrire sur le cinéma. Exactement. C'est tout ce qu'il lui restait, écrire. Une façon comme une autre d'entrer dans ce monde-là, de force, à coups de mots rageurs. Alors, c'est Biche ? Salut, Truffaut. Tu en fais une tête ? Vous publiez quand, mon article ? Je crois que Bazin voudrait que tu le retravailles. Non, c'est non. Malgré tout le respect que je dois à André, je n'y touche plus. Ça fait plus d'un an qu'il attend d'être publié. Godard, Chabrol et Rivette sont pour qu'on le publie, mais... Mais quoi ? Les cahiers du cinéma, quand Bazin les a repris, c'était une revue pour parler de nos enthousiasmes, des films et des cinéastes qu'on aime bien. D'accord. Non, c'est bien joli tout ça, mais si on n'entre pas dans le vif du sujet, si on ne polémique pas un peu, on fait du surplace. Le cinéma français est sclérosé, il faut le dire, il faut le secouer. Est-ce que c'est à nous de... Qui d'autre ? Mais tu pourrais dire les choses autrement. Ménager Orange, par exemple. Certainement pas. Ça suffit, la toute-puissance du scénariste, toujours mieux considéré que le réalisateur. Et puis franchement, personne n'est mort d'une petite controverse. Petite ? Un article dont le titre est « Une certaine tendance du cinéma français qui démolit tous les cinéastes en place ». Tu veux les défendre ? Peut-être que tu aimes bien la qualité française ? Le réalisme psychologique, autant Lara, Delannoy, Clément... Bon, arrête, veux-tu ? Alors publie-moi. Tu sais bien que tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Clément ou Allégret pourraient très bien te prendre comme assistant si tu postulais. Et me laisserais faire un film dans 25 ans ? Non, merci. Je préfère me griller avec tout ce cinéma que d'attendre pendant des siècles. Et comment tu feras pour te lancer ? On trouvera d'autres moyens de production. On va s'entraider. On forme une belle équipe, non? Bon. Tu assumeras. Absolument. Alors on y va. Je peux te le dire maintenant. Bazin a donné son feu vert. Ton article paraîtra dans le numéro 31. Eh ben voilà, enfin! Un coup de tonnerre. En un article, François avait fait des cahiers, une revue polémique, virulente, engagée. Et en plus, il s'était fait remarquer. Plus question pour cette bande de rester coincée dans les bars à côté du bière électrique, à discourir sur le cinéma. Il était temps de descendre dans la rue et d'en faire. Fini les discours de l'action. J'ai vu les Mistons. Ça a été tourné dans ma région. Après, il y a eu notre rencontre. Les 400 coups présentés au Festival de Cannes, dont je deviens du jour au lendemain la mascotte. Les détracteurs s'inclinent. Le plumitif des cahiers qui a mis à feu et à sang le cinéma français est un cinéaste. Un vrai. Ensuite, vous vous êtes revus régulièrement? Oui. Il a voulu raconter mes amours à 20 ans, mes premiers baisers volés, et comment j'ai intégré le domicile conjugal. Vous n'étiez pas jaloux de ce qu'il tournait entre-temps? Ah non, c'était le deal. Moi, je revenais de temps en temps donner de mes nouvelles, et lui, il continuait à construire son œuvre. Mais je vais vous dire un secret. Je suis dans d'autres films. J'apparais sous d'autres noms, dans d'autres vies. Moi, j'aime Jules et Jim. Vous savez, je suis une partisane du polyamour. Et ce film-là, il parle de ça. Deux hommes qui aiment la même femme. Mais c'est toujours sensuel et pur. C'est pareil pour vous? Pas vraiment. Au cinéma, c'est plus beau. Et puis, Jeanne Moreau, elle est tellement plus belle que moi. Ne dites pas ça. Quand vous m'avez réveillée de mon cauchemar, je vous ai pris pour une apparition. Je ne suis pas une apparition. Je suis une femme. Vous êtes mariée? Non, mais j'ai des amoureux. Et un compagnon. Il est ébéniste. Un artisan comme Truffaut. Comment ça? François avait été aidé à ses débuts par son beau-père producteur. Il a pu monter une petite boîte de production, les films du Carrosse. Oh, c'était facile alors pour lui de faire des films. Oh là! N'allez pas vous imaginer le producteur plein d'oseille avec son gros cigare. Ce n'était pas du tout ça. Je suppose que votre compagnon, il est toujours sur plusieurs chantiers pour pouvoir s'en sortir financièrement. Oui, quel boulot. François, c'était pareil. Les recettes d'un film servaient à produire le suivant. C'était un savant équilibre. Si un film ne marchait pas, il fallait quand même trouver de quoi financer le prochain. Il faisait comment? Comme ses films avaient du succès à l'étranger, il s'associait avec des compagnies américaines et puis il réduisait les budgets au maximum. Et il était souvent dans le rouge? Un film sur deux marchait bien. Bon an, mal an, il y arrivait. Il avait toujours plusieurs projets sur le feu. Des fois, jusqu'à 4 scénaristes travaillaient pour lui sans rien savoir des autres projets. Remarquez, c'est bien. On est son propre patron, personne ne vous impose rien, on est libre. On est un véritable auteur en tous les cas. J'ai vu des photos de lui en train de se bagarrer au Festival de Cannes. Mai 68. Truffaut qui se reconnaît dans la lutte des étudiants et, une fois de plus, le grand mélange entre sa vie et ses films. Pourquoi vous dites ça? Comme dans Baiser volé, j'étais détective, il avait fait des recherches sur ce métier et il avait rencontré un responsable d'agence. Une fois le tournage terminé, il a engagé cet homme pour qu'il découvre qui était son père. C'est comme s'il vous avait engagé, vous. Exactement. Asseyez-vous, monsieur Truffaut. Alors? Vous avez découvert quelque chose d'intéressant? Je ne voudrais pas trop m'avancer, mais je pense que nous avons localisé une personne qui pourrait être votre père. Ah, oui. Très bien. Est-ce que vous êtes toujours désireux de connaître le résultat de nos investigations? Bien sûr. Je n'aurais pas fait toute cette démarche si... Oh, vous savez, des gens qui nous demandent d'enquêter tout en souhaitant que l'on échoue, cela existe. Non, je dis cela parce que je vous sentrais à fleur de peau. C'est l'effet Festival de Cannes. Où vous vous êtes fait remarquer avec votre ami Godard, les enragés de luxe, comme on vous a appelé. Enfin, dans la presse gaulliste seulement. Donc c'est ce festival mouvementé dont on a réussi à obtenir la clôture qui m'a un peu secoué. Cela aurait été ridicule de continuer alors que tout le pays était paralysé. Je ne vous le fais pas dire, mais sur le coup, ce n'était pas clair pour tout le monde. Je suis ressorti de là en me remettant un peu en question. J'ai renoncé à épouser une jeune comédienne quand j'ai compris l'état d'esprit de la jeunesse. Nos 20 ans de différence me sont apparus... Mais on s'égare. Dites-moi plutôt le résultat de vos recherches. Je voudrais tout d'abord vous présenter mes condoléances pour le décès de votre mère. Oh, ça... Bien. Alors, il faut que vous sachiez que, dans une rue voisine de celle où vivait votre mère, il y avait une école dentaire. Et en 1931, votre mère a eu une liaison avec un étudiant. Mon père est dentiste. Ça alors? Il a disparu de la vie de votre mère avant votre naissance. Vous pensez qu'il ne savait pas qu'elle était enceinte? C'est peu probable. Alors pourquoi mes grands-parents n'ont-ils pas insisté pour qu'il épouse ma mère? Il y a plusieurs explications possibles. Lesquelles? La jeunesse des amoureux. Il y avait quand même un bébé qui arrivait. Bon. S'il n'était pas de Paris, il a peut-être été obligé de retourner en province. Non. Après ses études, il s'est installé près de l'opéra. Mais il a bien été obligé de quitter Paris plus tard, en 1940. Pourquoi? Votre père est de confession juive, monsieur Truffaut. Mon père est... Oui, cela pourrait expliquer le peu d'empressement qu'aurait eu votre famille pour marier leur fille. Connaissant la réputation de mon grand-père en titre réfusard notoire, je veux bien le croire. Excusez-moi de vous demander cela, mais vous n'avez pas l'air surpris. Je ne sais pas s'il y a des choses qui se transmettent autrement que par la parole, mais c'est comme si je l'avais toujours su. Quoi donc? Qu'il y a en moi une part de juif. Vous savez, je m'évertue à donner de moi une image de bourgeois, d'artiste non méditant, lisse. Mais il y a en moi l'enfant maltraité, le paria de la famille, le solitaire. Alors non, je ne suis pas surpris. Peut-être même suis-je un peu soulagé. Je peux maintenant retourner travailler. Les films du Carrosse, bonjour. Ah oui, bonjour madame. Ah, excusez-moi, je suis obligé de raccrocher. François, Hélène vient d'appeler de New York. Qu'est-ce qu'elle voulait? Vous êtes nominé aux Oscars pour la nuit américaine. Ah, c'est très bien pour la carrière américaine du film. Cela ne vous fait pas plus plaisir que ça? Si, bien sûr, un Oscar, ça serait une consécration inespérée. Et pourtant, vous n'avez pas l'air content. À vous, je peux le dire. Je viens d'écrire une lettre à Godard. Ah, je vois. Cette fois, j'ai décidé de ne pas laisser passer. Qu'il m'attaque, passe. Qu'il raconte que je fais des films plus conformistes que ceux qu'on attaquait au cahier, je peux le comprendre. Mais qu'il s'en prenne à Jean-Pierre Léo, c'est insupportable. Vos chemins se sont séparés. Il faudra bien qu'il finisse par digérer la disparition de la nouvelle vague. Moi, je n'ai rien contre son cinéma militant. Son idée que rien ne peut être pareil après mai 68. Mais ses postures gauchistes pour sa cour me gonflent. Qu'est-ce qu'il vous reproche? D'être un menteur. Il a vu la nuit et m'accuse de ne montrer qu'un versant des choses, de ne pas montrer que le metteur en scène sort avec ses actrices. Et en plus, il exige que je finance son prochain film, puisque ça marche pour moi et que lui va pouvoir faire le film qui racontera vraiment comment on fait du cinéma. Il n'a pas peur. Pour lui, tout ce qui compte, c'est que soit préservée son image pure et dure, même si pour ça il doit piétiner les gens. Il ne sait pas s'oublier. Comment est-ce qu'il le pourrait? Avec son égo démesuré. C'était important pour vous, cette amitié avec Godard? Elle a toujours fonctionné en sens unique. Les autres ne l'intéressent pas. Il est dans la posture de l'artiste tout-puissant, incapable de se baisser vers le commun des mortels. C'est bien connu, lui, il ne regarde que vers le haut. C'est un pur esprit. Il a juste oublié d'avoir du cœur. Mais bon, faut avancer. J'ai mes films normaux à faire, moi. Vous voulez vous occuper de quel projet? Je convoque quel scénariste? Celui de L'homme qui aimait les femmes? Celui de La chambre verte? Non, j'ai vu hier soir la retransmission d'une pièce de la Comédie française. L'école des femmes? Oui. Et il y avait dans le rôle d'Agnès une jeune fille incroyable. Je suis resté scotché devant mon écran. Elle est si juste. Son visage est si beau, sa voix si musicale, jusqu'à ses petits rires qui m'ont fait pleurer. Vous l'envisagez pour quel rôle? Adèle Hugo, bien sûr. Mais elle est beaucoup trop jeune. Tant pis, on va rajeunir le rôle. Il faut que je la filme, c'est urgent et vital pour moi. Il faut que je filme son visage encore et encore. Je ne peux pas laisser passer cela. Elle est magique. Vous dites ça de toutes les femmes? Oui, mais c'est chacune à leur tour et là c'est le sien, je le sens. Elle s'appelle comment votre gamine? Isabella Gianni. Réussissant à tourner un film presque tous les ans, François Truffaut construit peu à peu son œuvre. Des thèmes récurrents apparaissent, tels que la transmission comme moyen de lutte contre la maltraitance des enfants dans L'Enfant sauvage, et L'argent de poche, ou la passion amoureuse à trois dans Julie Jim, puis à deux dans La peau douce, et même à un dans Adèle H. Il y a chez Truffaut cette volonté d'imposer un style, un univers, comme chez tous les cinéastes qu'il a aimés, Renoir, Hitchcock. On retrouve dans son œuvre et dans sa vie privée ce désir insatiable de séduire, en réaction à la mélancolie de l'abandon. Être aimé de tous, puisqu'abandonné par une seule. Il participe peu à la vie, il est toujours dans le travail, s'évertuant à ne défendre que sa propre cause, pour un art libre. Parfois, il prend le risque de décontenancer son public fidèle. Ainsi, il entreprend un film sur la mort, plus exactement sur les morts. Comment vivre avec eux? Comment leur être fidèle? C'est le sujet de La Chambre verte, son film le plus personnel, dont le sujet est la fidélité aux morts, qui pour lui apporte aux vivants un surcroît de vie en stimulant leur imaginaire. Ce thème, qui, pensait-il, parle à la partie la plus intime de chacun, rebute. C'est un fiasco. Les caisses des films du Carrosse sont vides. À 46 ans, Truffaut doute. Le cinéaste favori des cinéphiles serait-il dépassé? Truffaut doit rebondir et faire oublier cet échec. Pas question de demander l'aide de l'État, ni de risquer l'apitoiement en mettant sur la place publique ses démêlés avec les financiers. Il sait qu'il n'y a qu'une seule personne pour le sauver et ouvrir ainsi la période la plus heureuse de sa carrière, celle de ses plus grands succès populaires. Antoine, il faut que tu me sauves. Non, désolé. 9 ans sans prendre de mes nouvelles et tout d'un coup Antoine Doinel doit réapparaître. Pas question. Tu ne vas pas laisser mourir les films du Carrosse. Je suis très bien où je suis. Tu m'as fait rentrer au domicile conjugal après une incartade. J'ai ma femme, j'ai mon fils, tout va bien. Je te ferai rencontrer de jolies femmes. Et comment tu vas financer cette histoire? Je reprendrai des bouts de nos autres films. C'est rare de pouvoir montrer un personnage à différents âges, de 14 à presque 40 ans. Cela permet surtout de réduire le coût du film. Je ne suis pas vraiment fier du procédé, mais... C'est de l'arnaque pure et simple. Monsieur Doinel, il faut que j'y aille. Attendez, mademoiselle. Vous pouvez me rendre un service? Bien sûr. Vous pouvez pousser mon fauteuil jusqu'à la fenêtre? Mais la vue est moche, là. C'est l'arrière de la maison de retraite. La belle vue de devant, avec le parc et tout, ne m'intéresse pas. Tandis qu'ici, regardez, c'est un plan parfait de cinéma. La petite allée et cette porte mystérieuse sur le côté. C'est l'entrée du personnel. Et la sortie? Quelle heure est-il? 18h30. C'est parfait. Regardez, ça commence. Le changement d'équipe. Toutes les femmes plus ou moins jeunes qui travaillent ici la journée rentrent chez elles ou vont peut-être à un rendez-vous amoureux. Elles ont quitté leurs blouses étriquées pour revêtir des jupes larges qui ondulent selon le rythme de leur marche. Leurs jambes gainées de bas noirs. Le claquement des chaussures à talons. Quel spectacle. Que c'est beau. Mais, monsieur Doinel, elles sont toutes en pantalon. Il va falloir au moins 3 allers-retours pour monter toutes ces boîtes à rangement. Pourquoi êtes-vous si énervée? Je vous assure que Mamie ne pouvait pas en contenir plus. Vous l'avez fait exprès. De quoi? D'avoir une petite voiture? Regardez-vous. Qu'est-ce que j'ai? Oh, je vois, le pantalon. Oui, le pantalon et ce pull informe. Vous l'avez fait exprès. Non, François. J'ai mis un pull et un pantalon parce qu'il fait froid. Un point, c'est tout. Désolée d'avoir oublié vos consignes. Ce ne sont pas des ordres. Enfin, pour vous, la femme doit ressembler aux belles des années 50. Vous êtes restée bloquée à l'érotisme des prostituées que vous alliez voir, gamin. Pas du tout. J'ai bien vu l'effet que vous fait le crissement de mes balles l'un sur l'autre. Aidez-moi au lieu de dire des inepties. Où allons-nous mettre toutes ces boîtes? Dans mon bureau. Enfin, vous avouerez que le mouvement d'une jupe est une merveille pour l'œil. Sur l'écran, sans doute, mais la vie ne peut pas être aussi belle que vos films. Il ne fait pas froid dans vos films. Ici, ça caille. Alors, il faut faire des films sans discontinuer pour que la vie soit belle. Vous avez raison, François. Parce que quand vous travaillez, vous devenez séduisant. Le travail vous place dans un état émotionnel favorable aux histoires d'amour. C'est pour cela que toutes vos actrices... Attention! Mais qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces boîtes? Y ranger mon courrier. Aussi bien les lettres reçues que celles que j'envoie. Que vous envoyez? Oui, je fais toujours un double carbone. Mais dans quel but? J'aime la correspondance. Dans mes films, il y a toujours quelqu'un qui écrit une lettre. Je trouve que c'est une très belle forme de littérature. Vous écrivez donc une œuvre? Je ne sais pas, mais si je n'ai pas le temps d'écrire mes mémoires, il restera des traces. Et ces boîtes de ce côté, c'est du courrier aussi? Non. Sur toutes ces étagères, il y a des collections de journaux de faits divers, des coupures de presse, des idées griffonnées et des morceaux de scénario. C'est immense. Je récolte de la matière à fiction depuis l'âge de 12 ans. C'est la base de mes scénarios puisque je veux que mes histoires puissent être crédibles face à la réalité. C'est quoi cette boîte qui a été mise à l'écart? Elle contient... rien. Aidez-moi. Non, dites! Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Un dossier. Un dossier fait par ma mère que j'ai découvert dans son appartement après sa mort. Ce sont des extraits de presse parus sur moi dans les journaux populaires. La terrible mère? Celle qui ne vous regardait pas? Comme quoi, il lui était plus facile de me regarder dans les journaux que dans la vie. Moi, j'ai toujours pensé que vous étiez amoureux d'elle. Ne dites pas n'importe quoi. Descendons chercher les autres boîtes. Mais finalement, vous n'avez vraiment connu votre mère qu'à 10 ans. C'est l'âge où on éprouve les premiers sentiments amoureux, et cette femme qui ne se comportait pas comme une mère vous fascinait. Arrêtez votre psychologie à 4 sous, voulez-vous? Et aidez-moi. Vous savez, la psychologie de bazar, c'est un peu comme les chansons. Parfois, elle dit la vérité. Ou des bêtises. Monsieur Douanel, je vais vous laisser, moi aussi, je dois partir. Vous n'avez pas de médicaments à prendre? Vous avez vu le médecin ce matin? Oui. Son diagnostic est irrévocable. Qu'est-ce qu'il a dit? Immortalité. Pas moyen d'y échapper. C'est incurable. Immortalité inconditionnelle. Il a dit qu'il y aura toujours une étudiante japonaise qui regardera les 400 coups, ou un universitaire américain qui fera une thèse sur les années Douanel. Qu'il y a une cohorte de jeunes gens qui téléchargent la femme d'à côté et qui frémissent au premier mot de Madame Jouve. Il dit que regarder des films de Truffaut, ce n'est pas regarder des films, c'est regarder Truffaut. Il dit que dans chaque dialogue, chaque image, il est là que, puisque toute sa vie, il a été habitué à cacher ses émotions, à ne rien dire directement, il nous parle encore de lui, qu'il suffit de regarder l'écran. Bonsoir, Monsieur Douanel. En octobre 1984, François Truffaut décède d'une tumeur cérébrale. Il venait d'enchaîner 3 succès. Le dernier métro, La femme d'à côté et Vivement dimanche. Étrange paradoxe qui veut qu'en parlant de soi sans aucun narcissisme, on puisse atteindre l'universel et qui a permis à Truffaut de toucher le public au-delà des frontières du cinéma hexagonal. Steven Spielberg, Woody Allen, ainsi que toute une nouvelle génération de cinéastes de Hong Kong à New York qui le reconnaissent et s'inspirent de son œuvre. Truffaut disait « Je raconte des histoires avec un début, un milieu et une fin, même si je sais bien que finalement, l'intérêt est ailleurs que dans l'intrigue elle-même. Peut-être est-il dans la personnalité de celui qui raconte l'histoire, dans ce qu'il est et ce qu'il nous dévoile de lui. » Le style Truffaut est reconnaissable en regardant n'importe quel extrait au hasard dans sa filmographie, comme chez Kurosawa, Bergman, Fellini et Ozu. C'est le privilège des grands. C'était François Truffaut, l'homme qui aimait le cinéma, de Jean-Benoît Patricot. Avec Alexandre Pavlov, François Truffaut, Martin Amic, Antoine Douanel, Sylvain Solustri, l'avocat, Claire Baudouin, l'infirmière, Thierry Garret, l'homme des cahiers du cinéma, Julien Aluguette, l'homme des films du carrosse, Ingrid Donadieu, la femme. Bruitage, Jean-François Bernard Sugy. Prise de son, montage et mixage, Jean-Michel Bernot, Cécile Braque et Cédric Châtelu. Assistant à la réalisation, Laure-Hélène Planchet et Vivien Demeyer. Réalisation, Catherine Lemire. Caresse photographiée sur ma peau. Sensible, on peut tout jeter, les instants, les photos. C'est libre, y a toujours le papier collant transparent pour remettre au carré tous ces tourments. On était belle image, les amoureux, fortiche. On a monté le ménage, le bonheur à deux. Je t'en fiche, vite fait les morceaux de verre qui coupent et ça saigne. lave-la sur le carrelage, la porcelaine. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on explique. C'est l'amour en fuite, l'amour en fuite. J'ai dormi, un enfant est venu dans la dentelle. Partir, revenir, bouger, c'est le jeu des hirondelles. À peine installé, je quitte le deux pièces cuisine. On peut s'appeler Colette, Antoine ou Sabine. Toute ma vie, c'est courir après des choses qui sauvent. Des jeunes filles parfumées, bouquet de pleurs, des roses. Ma mère aussi mettait derrière son oreille une goutte de quelque chose qui sentait pareil. Nous, on n'a pas tenu le coup. Boubou, ça coule sur ta joue. On se quitte et y a rien qu'on. C'est l'amour en fuite, oh l'amour en fuite. Personne ne veut passer 10 000 balles pour aller au bordel. Écoute, Alphonse, tu vas rentrer dans ta chambre, hein. Tu vas relire le scénario, tu vas travailler un petit peu et tu vas essayer de dormir, hein. Demain, c'est le travail, et le travail est plus important. Ne fais pas l'idiot, Alphonse. Tu es un très bon acteur, le travail marche bien. Je sais, il y a la vie privée, mais la vie privée, elle est boiteuse pour tout le monde. Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort. Les films avancent comme des trains, tu comprends? Comme des trains dans la nuit. Les gens comme toi, comme moi, tu le sais bien, on est fait pour être heureux dans le travail, dans notre travail de cinéma. Salut Alphonse, je compte sur toi. France Inter, Affaires Sensibles, Fabrice Drouel. Affaires Sensibles, la fiction. Aujourd'hui, François Truffaut, l'homme qui aimait le cinéma. Notre invité, c'est Laurent Delmas, spécialiste cinéma sur France Inter. Bonjour Laurent Delmas. Bonjour Fabrice Drouel. Alors vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous vous exprimez sur France Inter. Cette antenne diffuse un spot toute la journée qui dit France Inter, on aime, on vous en parle. Alors Laurent, moi je vais vous proposer d'être ce que nous sommes tous les deux, c'est-à-dire des admirateurs de Truffaut et au diable l'objectivité mécanique des journalistes. On va simplement essayer d'être honnête, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui fait que vous aimez tant François Truffaut ? C'est une question extrêmement difficile et je dirais presque trop intime, parce que je pense que François Truffaut fait partie de ma vie. C'est-à-dire que je ne conçois pas, et je ne parle pas de ma vie de cinéphile. C'est-à-dire que il m'arrive régulièrement dans ma vie quotidienne, dans ma vie d'adulte, de penser à des films, à des situations, à des personnages de Truffaut. Je m'en inspire, ça serait très orgueilleux de le dire, simplement... Ça m'arrive d'avoir comme ça des idées, des moments Truffaut dans ma vie et pas seulement dans ma vie de spectateur, évidemment. C'est, je crois, la différence entre Truffaut, un certain nombre de cinéastes, et puis les autres, pour ceux qui sont, comme vous, comme moi, des grands fans. Alors, tout de même, même si on n'a pas peur pour le coup de la géographie, on va considérer que c'est mérité, François Truffaut n'en reste pas moins un homme, il n'est pas au-dessus de la condition humaine, ni même au-dessus de la condition artistique, et peut-être que cet homme de lumière possède quand même une petite part d'ombre, de fragilité, on va appeler ça un défaut, de... je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire, s'il en a, une petite faiblesse, allez. Forcément, il avait des défauts, je pense que peut-être que nous les hommes, le défaut qu'on peut lui trouver, nous les hommes face à la société féminine, c'est justement de nous avoir tant laissé en marge de sa vie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui aimait la compagnie des femmes et qui n'allait pas vers la compagnie des hommes, ça on peut le lui reprocher en quelque sorte. C'est-à-dire que finalement, je crois qu'on peut se dire que si on n'avait pas été des relations professionnelles, des hommes autour de lui, mais scénaristes, producteurs, etc., les hommes n'existaient guère. Voilà, il n'y avait pas de réelle amitié masculine du Truffaut adulte, ce qui le distingue du Truffaut enfant, où il y a eu de grandes amitiés avec quelques garçons, dont Lachenay, qui était son Batman en quelque sorte, ou lui son Robin, je ne sais pas, mais en tous les cas, il formait comme ça un duo très masculin. Mais après, ce qui est très très étonnant, c'est qu'effectivement, cet homme est devenu l'homme qui aimait le cinéma, les femmes, et pour qui les autres hommes n'existaient guère. Alors, il est mort en 1984, vous êtes encore relativement jeune. Ah non, je ne suis pas né, Fabrice. Non, mais attendez, vous êtes relativement jeune, disons que vous êtes un ancien jeune, et vous n'êtes pas encore vieux. Peut-être l'avez-vous rencontré, lui avez-vous parlé. Et non, hélas. Et bon. C'est certainement l'un des regrets de ma vie, d'abord de cinéphile, de journaliste, évidemment. Non, c'est une rencontre, non, même, je n'irai pas manquer, parce qu'elle n'a pas existé, point barre, mais c'est certainement un de mes grands regrets. Mais, petit bémol, je ne suis pas certain qu'il faille rencontrer ceux qu'on adule. Voilà. Mais possible, voilà. Tout à fait possible, absolument. Bien, mais puisqu'on parle de jeunesse, Claude Chabrol disait que la jeunesse de François Truffaut était beaucoup plus intéressante que celle des autres. Alors, je ne sais pas ce qu'il voulait dire, vous savez ce qu'il... En tout cas, il en a fait au moins un film, voire plusieurs, en fait, parce qu'il y a plusieurs films de Truffaut. Il y a, outre les 400 coups, il y a plein d'occurrences et plein de récurrences sur sa jeunesse. Oui, moi, je pense que c'est... Enfin, Chabrol n'a pas tout à fait tort. Alors, je ne sais pas si c'est la jeunesse contre toutes les autres, mais c'est en tout cas une jeunesse sacrément intéressante, sacrément noire aussi. Hein. Pour Truffaut, il ne la raconte pas comme une partie de plaisir, hein, tout en disant quand même que certainement sa mémoire a endeuillé, noirci les choses. Mais en tous les cas, quand on voit les 400 coups, on voit bien que c'est quelqu'un qui se prend des gifles, qui en donne aussi, mais pour lequel la jeunesse est certainement pas un moment extrêmement heureux. Il y a le problème de la filiation, il y a le problème de relation avec sa mère, il y a ce père qui n'est pas son père, mais ça, il le découvrira plus tard. Il y a la police très très tôt rencontrée. C'est quelqu'un quand même qui va faire des lettres de reconnaissance de dette et d'aveu très très jeune. C'est quand même une condition d'enfant extrêmement dure. Je pense que c'est à ça que Chabrol faisait allusion. Chabrol, fils de pharmacien, tranquille, petit bourgeois. Enfin, lui, vraiment, il n'a pas eu ces problèmes-là. Il y a peut-être un peu d'envie, un peu de jalousie chez Chabrol. En même temps, ça veut dire que sa jeunesse a été brûlée, qu'il a eu, en tant que jeune, voire enfant, des soucis d'adulte, Truffaut. Je crois qu'on peut dire un peu les choses comme ça. En tous les cas, une jeunesse refusée, notamment par sa mère. Parce que, par exemple, quand elle lui disait « Tu t'installes là, tu lis et tu ne fais pas de bruit », c'est quand même une façon de l'inclure dans une sorte de cachot familial, de cachot intime, qui est extrêmement dur pour un adolescent. Il l'a ressenti comme ça, et je pense qu'effectivement, on n'est pas loin de la vérité en disant que c'est un peu une enfance volée, une enfance cachée, une enfance refusée. Et que, au fond, le cinéma, qui est un art d'enfant, qui est un art de jeu, lui redonnera peut-être cette jeunesse. Et que, par ailleurs, c'est très symptomatique de voir que chez Truffaut, les adultes ont souvent des métiers d'enfants avec des maquettes. Ça m'a toujours frappé. Ce sont des gens comme Denner dans L'homme qui aimait les femmes. Il fait voler des avions toute sa journée. Et Depardieu, dans La femme d'à côté, lui, conduit des maquettes de bateaux. Tout ça pour dire que chez Truffaut, les hommes, pas les femmes, hein, les hommes sont restés des enfants avec peut-être une vie rêvée d'enfance. Ça s'appelle le syndrome de Peter Pan. Par exemple. Bon, la saga des Doinel, je rebondis sur ce que vous dites, la jeunesse. On peut dire que c'est autobiographique. Ah oui, moi je crois quand même que il faut le dire. C'est-à-dire, c'est une autobiographie de cinéma. Hein, soyons clairs. C'est-à-dire que si c'était un documentaire sur Truffaut lui-même, ben il ferait pas des films de fiction. Donc tout l'intérêt, c'est comme disait Aragon, le mentir vrai. C'est-à-dire cette façon tout à fait artistique d'organiser la réalité autour de personnages qui sont forcément de fiction et en plus autour d'un acteur absolument emblématique, Antoine Doinel, comme lui-même le disait en regard de sa glace dans Baiser volé, si mes souvenirs sont bons. Ça, c'est une construction artistique sur une base de réalité, sur une base aussi de fantasme. C'est-à-dire, évidemment, Truffaut se fantasme en Antoine Doinel, parce qu'après tout, c'est pas mal de se fantasmer en Antoine Doinel. Il y a pire comme référence dans la vie. C'est clair. Quelle est la nature de son cinéma? Parce que c'est un cinéma exigeant, intellectuellement exigeant. En revanche, la construction de ces histoires est limpide. Hein. Tout le monde peut suivre les histoires de Truffaut. C'est quoi? C'est une sorte d'élitisme pour tous? Ah, ça serait une belle définition qui aurait plu à Antoine Vitesse. Oui, mais je crois que c'est vrai. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un côté populaire pour tous, mais exigeant sur la forme, sur les idées. C'est pas des films qui vous meurtrissent au sens où qui vous maltraitent, les films de Truffaut. Moi, je trouve qu'on voit dans la vie plein de films qui nous maltraitent, qui ne nous considèrent pas comme spectateurs, qui nous méprisent. Bah, Truffaut ne méprise jamais, jamais, jamais son spectateur. Ça, c'est une constante indispensable, incroyable aussi, et qui le place ailleurs, avec d'autres évidemment, mais cette particularité-là de ne pas mépriser, de respecter le spectateur, avec effectivement, vous le disiez très bien, de belles histoires. C'est quelqu'un qui aime raconter, c'est un conteur, ça c'est indiscutable, avec beaucoup de références littéraires. Quand on adapte de romans, ça veut dire qu'on aime raconter des histoires, et en même temps aussi un univers d'auteur, des choses récurrentes, des choses qu'on retrouve. On disait par exemple que les hommes de chez Truffaut sont des grands enfants et que les femmes mènent le monde, c'est une évidence. Vous parliez justement de ce chemin de la littérature qui mène au cinéma, cinéma d'auteur. Ça a laissé une trace, ça a laissé un vrai héritage. Aujourd'hui, est-ce que le jeune cinéma... Il y a des gens comme Arnaud Desplechin qui s'agenouillent chaque matin, je pense, devant la statue de Truffaut, et puis qui font des films merveilleux pour ça. Oui, je crois qu'il y a un héritage Truffaut, qui est dit ou qui n'est pas dit. Par exemple aussi dans la jeune cinématographie féminine française, pas bizarrement, mais des gens comme Céline Sciamma, dont on parle de plus en plus, Noémie Lvovsky, des grandes réalisatrices comme ça, qui s'affirment de plus en plus, elles ont quelque chose de Truffaut en elle le revendique, c'est évident. Ce qui est d'ailleurs très très symptomatique que des réalisatrices se revendiquent d'un réalisateur. Mais c'est parce que son univers au féminin est très très important. Et puis je crois qu'on pourrait même aller voir chez des réalisateurs américains, ou pas seulement Spielberg évidemment, qui avait rendu hommage là aussi à Truffaut en l'invitant sur un plateau de tournage, on s'en souvient, Rencontre du troisième type. Mais il y a des réalisateurs américains et aussi des Japonais, des Coréens, et enfin partout dans le monde, je crois qu'il y a une planète, une galaxie Truffaut. Pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au Musetto, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, je lui donnais le meilleur de mon être. Beau parleur, chaque fois qu'il mentait, je le savais, mais je l'aimais. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé, sans volonté, sous ses baisers. Mais hélas, à Saint-Jean comme ailleurs, un serment n'est qu'un leurre. J'étais folle de croire au bonheur et de vouloir garder son cœur. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, mon bel amour, mon amant de Saint-Jean, il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Il ne m'aime plus, c'est du passé, n'en parlons plus. Laurent Delmas, ravi de vous retrouver pour parler de François Truffaut. On disait tout à l'heure que ces films étaient des films qui savaient, et qui savent encore, ils sont jamais morts les films, hein, raconter des histoires. Et j'en veux pour exemple, parmi les exemples, La mariée était en noir, ce polar extraordinaire avec une histoire, mais construite simplement, mais tellement bien mise en scène, qui nous emmène. Et qui nous emmène pas n'importe où, c'est pour ça que ça nous respecte. Absolument, tiré d'un roman noir, William Heyrich, mais scénarisé par Daniel Boulanger, grand romancier, grand nouvelliste, surtout français, un vrai styliste de la langue, et aussi un plaisir de raconter des histoires, une nouvelle, il n'y a pas mieux pour raconter une histoire. Et Truffaut se saisit de cet univers, effectivement, avec une figure récurrente de l'amante religieuse, ça s'écrit l'amante, comme on veut, mais tous les cas, elle tue, c'est clair. Elle tue non pas là ses amants, mais ceux qui ont tué celui qui allait devenir son mari. C'est une histoire sidérante, c'est une histoire qui pourrait faire la une de faits divers, dont on pourrait parler chez Fabrice Drouel bien des années plus tard, par exemple. C'est évident, c'est un grand fait divers qui nous est raconté, et avec une sorte de machiavélisme au féminin, et une galerie de portraits d'hommes qui sont en général plutôt veules, plutôt lâches, plutôt justement toujours des petits-enfants face à cette maîtresse-femme. Alors on va pas passer tous les films de Truffaut en revue. J'adorerais. Ben oui, on va en citer un deuxième quand même. Le dernier métro, je me souviens que lorsque Le dernier métro avait eu tous les Césars possibles et imaginables, on avait dit à plusieurs reprises, c'est un film parfait. C'est-à-dire que c'était un film sans une fausse note, sans une erreur. Est-ce que vous partagez ce sentiment? Alors, on peut l'aimer ou pas l'aimer, c'est pas forcément le meilleur de tous. C'est mais ça. C'est vrai qu'il a un côté parfait. Quoi. Il a un côté parfait, et c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, un peu malicieusement, là, ça serait peut-être l'irrévérence que j'aurais la seule à l'égard de Truffaut, c'est que je me suis demandé quel aurait été l'article de François Truffaut, critique dans les cahiers du cinéma, à l'égard du dernier métro de François Truffaut. Je pense qu'il aurait pointé ce trop de perfection. Est-ce qu'on peut être trop parfait? Oui, peut-être que le trop de perfection, ça finit par être un défaut. Je pense qu'il aurait pu pointer ça, au sens où effectivement, c'est un objet trop parfait. Ou à la limite, l'univers de Truffaut est un peu en retrait, de ce qu'on connaît, ce qui nous est familier est un peu en retrait, au bénéfice d'une histoire inattaquable, d'une reconstitution parfaite, d'une description de caractère formidable, d'un casting XXL, d'un montage, la musique est géniale. Tout est là, et pourtant, on peut peut-être un peu se dire « Ah, je ne retrouve pas mon François Truffaut okay. ». Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est tout le problème aussi. Parfois, il y a comme ça dans la filmographie de souvent des grands cinéastes, un film qui marche énormément, et bien qui n'est pas forcément leur meilleur au sens leur plus intime. En quelque sorte, on pourrait dire que pour ce film-là, La mariée était trop belle, à défaut d'être en noir. Exactement, c'est une possibilité. Bien, alors, La nouvelle vague, dont Truffaut est l'un des grands prêtres, si j'ose dire. Il y a Godard, il y a Chabrol, il y a Truffaut. Est-ce que Truffaut, c'est La nouvelle vague, presque à lui tout seul, en tout cas plus que les autres, en termes d'incarnation? Oui, parce qu'il l'a théorisé. C'est-à-dire qu'avec son article, une certaine tendance du cinéma français qui dézingue 90% de la production française et les cinéma de papa. Le cinéma de papa. Ah oui. Et qui dit qu'il n'y a que Renoir, Ophuls et quelques autres, Vigo et dans la vie et que tous les autres, il faut les jeter à la poubelle. Oui, certainement, il a été en quelque sorte le patron, c'est-à-dire celui qui théorise, celui qui met en forme. Avec d'ailleurs des affirmations que personne n'a osé lui reprocher et c'est tant mieux. Après, mais quand Truffaut dit, par exemple, il faut plus de scénariste à côté de l'auteur parce que le réalisateur, c'est à lui tout seul l'auteur du film, Truffaut n'arrêtera pas, tout au long de sa carrière, d'avoir à côté de lui des scénaristes XXL, des formidables scénaristes. Donc il ira contre l'un de ses principes de grand chef théoricien de la nouvelle vague. Mais c'est pas grave. Pour que la révolution naisse, il faut que, effectivement, on dise parfois des choses méchantes. Il en a dit, il s'est excusé parfois auprès de certains cinéastes qu'il avait très très mal traités. Par exemple auprès aussi de Orange et Bost, deux scénaristes assez formidables sur lesquels il a dit du mal. Mais oui, voilà, s'il est la figure emblématique, c'est qu'au fond, d'ailleurs, il a accepté de prendre le plus de coups. Parce que c'est lui qui a reçu le plus de coups dans la mesure où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé et beaucoup, beaucoup éreinté. Chabrol, Romer, Godard ont beaucoup moins parlé. Et de ce point de vue-là, alors ils étaient là, mais au fond, Truffaut était en avant parce que lui, il croyait à ce qu'il disait avec un côté hussard noir du cinéma, du nouveau cinéma français, et il y allait. La rupture avec Godard, elle tient à quoi ? La rupture avec Godard, elle tient en grande partie aussi sur un comportement, enfin c'est ce que dit Truffaut à l'égard de Léo. Il trouve que Jean-Pierre Léo. Oui, Jean-Pierre Léo. L'acteur Edouard Léo. Que Godard c'est mal, parce que Godard a employé, si je puis dire, Jean-Pierre Léo dans ses films, et il trouve que Godard se comporte mal à l'égard de Jean-Pierre Léo. Il le lui reproche parce qu'il a un rapport très intime, père-fils presque, démiurge, Pygmalion à l'égard de Léo. Au fond, je pense qu'il y a une partie de jalousie. Il n'a pas supporté non plus d'ailleurs que Léo aille travailler avec Godard. C'est ça quelque part. Mais je crois qu'il y a une rupture aussi parce que ce ne sont pas du tout les mêmes personnalités. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se sont beaucoup aimés, évidemment beaucoup approchés à un moment donné. Mais on voit bien que quand même, le cinéma de Godard et le cinéma de Truffaut, c'est vraiment pas tout à fait pareil. Ah non, c'est oui, clair. Alors là, il y a une fracture. Il y a quand même une fracture qui s'est d'ailleurs un peu ressoudée. Hein, à la fin, ils se sont un peu rabibochés. Enfin bon, il y a eu des moments comme ça. Et comme en plus, il y a la rivalité professionnelle qui s'est fait jour, que Godard avait des rapports avec l'argent, par exemple, qui n'étaient pas simples, que Truffaut n'aimait pas. Voilà, donc bon, il y a eu toute une sorte de choses. Mais je crois que fondamentalement, c'est surtout le récit d'une grande amitié qui se fonde sur des coups de tabac et sur des coups d'amour. Quelle trace il laisse, François Truffaut, auprès des cinéastes d'aujourd'hui, et d'ailleurs pas forcément d'aujourd'hui, mais de ceux qui ont succédé à Truffaut. Mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, je crois qu'il a touché le Graal et qu'il y a peu de gens qui l'atteignent, c'est-à-dire de faire des films exigeants qui s'adressent au plus grand nombre. Tout le monde ne cherche pas ça. Il y a des cinéastes d'ailleurs, qui sont très contents d'avoir des spectateurs. D'ailleurs, oui. La Chambre verte, celui qui a le moins marché. Parce que il était plus exigeant qu'à la portée de tout le monde. Pour moi, c'est le plus beau. Bon. mais c'est comme ça. Bon, oui, pour moi, c'est le plus beau parce que, effectivement, Dialogue avec les morts. C'est le plus intime. Alors c'est aussi un sujet que les gens en général ne veulent pas voir. Ah oui. La mort, le fait que les morts sont toujours vivants, vivre avec les morts. Hein. Ce film, c'est quand même l'histoire presque d'un nécrophile. Mais bon, il mange personne. Mais c'est ça un peu. Or on ne veut pas, on n'entend pas ça. Alors que c'est son plus beau film parce que c'est le film qui au fond le réconcilie aussi avec l'art, avec les vivants et les morts, certainement avec sa famille, certainement avec son passé. Et c'est pour lui une façon incroyable de dire qu'il est vivant dans le culte des morts. C'est un paradoxe foudroyant, mais c'est magnifique. Alors effectivement, ce genre de film ne marche pas auprès du public, même si c'est un film qui, progressivement, on le voit bien, hante les mémoires cinéphiles. Mais je crois que la trace qu'il laisse, c'est effectivement d'avoir fait, à part La Chambre verte, à part aussi quelques films un peu ratés, comme Une belle fille comme moi, par exemple. Hein, voilà, il faut le dire. Bah non plus, il n'a pas fait que des immenses chefs-d'œuvre, mais ça, c'est un peu normal. Mais la comète Truffaut, elle continue d'illuminer le ciel du cinéma parce qu'elle dit on peut être exigeant et s'adresser au plus grand nombre. Franchement, si ce message pouvait être entendu par un certain nombre de jeunes cinéastes français, ça nous permettrait de voir des choses autrement plus intéressantes que ce qu'on voit parfois dans les salles de cinéma en ce moment. Je voudrais pas agiter l'étendard du patriotisme d'entreprise, mais enfin France Inter, c'est ça, la ligne éditoriale de France Inter. Exigence pour le plus grand nombre. C'est la radio truffaldienne par excellence. Bon, très bien. Je reviens à un film pendant que j'y pense, parce qu'il y a un mystère pour moi. La nuit américaine, que j'aime beaucoup, les acteurs semblent jouer faussement faux. Donc c'est quoi cette trouvaille ? Ça, c'est très intéressant, mais vous savez, par exemple, Delphine Seyrig. Elle joue faux, elle a une voix fausse. Jean-Pierre Léo, il joue faux, il a une voix fausse. Mais ça, c'est le spectacle. Ça, c'est tout l'intérêt. C'est-à-dire qu'ils sont bien plus intéressants que, entre guillemets, de très bons comédiens dont on oublie la voix. Eux, Léo et Seyrig, entre autres. Vous les regardez, Steve Nain, c'est pareil. Enfin, il y a comme ça des voix, des tessitures et puis des jeux qui sont effectivement en léger décalage, comme on dirait chez Sampé, et qui, justement, parce qu'ils sont en léger décalage, nous parlent, nous font nous émouvoir. Il y a un vrai charme. D'ailleurs, il y a un vrai charme. Un charme indéfinissable, il y a un charme fou. Enlever Jean-Pierre Léo, évidemment, de la filmographie de Truffaut, c'est quand même un sacré problème. Que Madame Fabienne Tabar ne soit plus jouée par Delphine Seyrig quand elle drague Jean-Pierre Léo dans sa chambre d'étudiante, c'est pas possible. Dernière chose, construire cette interview comme un film. Le film a commencé avec vous, quand on parlait des femmes. Est-ce que les femmes sont magiques ? Interroge Jean-Pierre Léo dans, précisément, La Nuit Américaine, dont on vient de parler. Est-ce que les femmes sont magiques ? Pour vous, est-ce que c'est le résumé de ce que vous disiez tout à l'heure ? Cet homme aide tellement les femmes qu'il ne s'intéresse même pas aux hommes. Les femmes restent sa passion. Mais bien sûr, et Delphine Seyrig répondait « Toutes les femmes sont exceptionnelles ». Voilà. Certains... Chacune, l'une après l'autre. Certains hommes. C'était le programme de Truffaut. Mais certains hommes aussi sont exceptionnels quand ils parlent de cinéma comme vous, cher Laurent Delmas. C'est fini. Voilà. C'est fini. Voilà. C'était juste pour vous dire au revoir et vous dire à bientôt. Bah oui, merci beaucoup pour ce moment Truffaut qui m'a fait très très plaisir. Bon, et à samedi sur l'antenne à 10h. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, François Truffaut, l'homme qui aimait le cinéma. Une émission écrite par Jean-Benoît Patrick Caux, réalisée par Catherine Lemire, proposée par Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. À la technique aujourd'hui, Jean-Noël Vélan et Enzo Laborie.